Leçon 2. Activité 2A et 2B. Indiquez comment on prononce le E souligné dans les mots suivants. E comme Denise ou E comme Isabelle. Inscrivez votre réponse dans le tableau. 1. Lecture. 2. Levée. 3. Terrasse. 4. Premier. 5. Quelques. 6. Existe. 7. Effectué. 8. Servir. 9. Besoin. 10. Respect. 11. Perdre.